vos petites annonces sur CFM avec le partenariat du garage Fiat Le Sage à 40 ans. Téléphone 02 33 71 17 54. Bastien vend un ordinateur AEG, il est complet avec disquette, 1500 francs, une imprimante Emson SX 870, 1800 francs. À vendre un ordinateur PC, Pentium 90, multimédia, grand écran, 15 pouces, une carte son, nombreux logiciels, l'ensemble est à vendre 7000 francs, renseignements sur simple appel téléphonique. À vendre également une Polo Essence, elle a 5 portes de 96, elle a 34 000 km, elle est garantie jusqu'au mois d'octobre 98. À vendre une Super 5 TC de 85, elle a 110 000 km, contrôle favorable, elle est à vendre 14 000 francs. Serge loue une caravane, 4 places, une caravane équipée d'un réfrigérateur et d'un auvent aménagé. Cette caravane est située sur le terrain de camping de Coudeville-Plage, c'est dans la région Grand-Villaise. Bernard, il vend une Renault 12 de 1974, moteur en bon état, elle est à vendre 2500 francs. Un salon de coiffure de Coutances recherche en urgence une coiffeuse dame avec expérience. Olivier à Vaudry-Ménil recherche une personne aimant la musique pour rompre la solitude. À vendre une Renault 21, année 87, elle est bleue métallisée, elle a 150 000 km, elle est en parfait état, elle est à vendre 20 000 francs. Enfin, à vendre une caravane, 5-6 places, tout confort avec un auvent neuf. Le prochain rendez-vous avec vos annonces, ce sera demain matin à 9h10. Si vous souhaitez petite annoncer ou vous renseigner sur ces annonces, vous nous appelez au 02 33 47 6000, 02 33 47 6000. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Et tu n'arrives pas à communiquer dans ton couple. Alors, explique-nous plus concrètement. Eh bien, concrètement, j'ai jamais réussi à communiquer avec mes petits copains. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est un assez gros problème, parce que je ne suis pas foncièrement timide. J'arrive à parler avec mes amis ou avec mes copines. Mais avec mon copain, il y a un blocage. J'arrive pas à lui demander ce qu'il pense de moi, comment il se sent avec moi. J'ai toujours peur de ses réponses. Enfin, il y a un gros blocage, quoi. Il faut que tu prennes confiance en toi, alors, parce que si j'écoute un petit peu ce que tu me dis, en fait, c'est un manque de confiance, c'est tout, quoi. Et t'as peur de sa réaction, t'as peur de dire des bêtises, t'as peur qu'il te réponde pas ce que t'as envie d'entendre. C'est toi que tu remets en cause, finalement, c'est pas lui? Oui, sans doute, mais le problème, il y a aussi que je me pose beaucoup de questions, peut-être trop, parce que je me dis, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Autoroute Info vous accompagne en musique. J'ai peur de sa réponse. Enfin, je sais pas, pour un mec, de parler de sa relation avec une fille, j'ai justement peur que ça le bloque. Mais il te doit cela alors. C'est son rôle. Mais ça vient pas de lui non plus. Enfin, je veux dire, c'est jamais venu d'aucun mec. Bon, bah là, j'ai quand même 22 ans, j'ai quelqu'un de moins sérieux, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas que ça change. Alors, c'est pas parce que tu l'as pas fait avant qu'il faut pas le faire maintenant. Ça, si tu veux, je peux pas l'entendre. Tu comprends, c'est pas un argument. De me dire je l'ai jamais fait avec les 4 ou 5 copains que j'ai eu avant, donc je vais pas continuer à le faire. Si tu l'as jamais fait avant, si tu l'as jamais fait avant, Laure, parce que tu avais mille et une idées en tête et ça te perturbait, ne retraduis pas les mêmes choses avec lui, puisque tu vas te retrouver dans la même situation, Laure. Puisque tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Ah, mais plus les années passent, moins j'ose. C'est ça qui est hyper frustrant aussi pour moi, quoi. Alors je sais pas, d'un point de vue de mec, comment il peut ressentir de parler de sa relation ou de parler de nos relations intimes, de parler de nous en général, quoi, de parler de tout ça. Tu en as besoin de cela, alors, t'es d'accord avec moi? Bah de plus en plus, ouais, mais j'ose de moins en moins. Il faut faire quelque chose, Laure. C'est pour ça que je t'invite à essayer de passer le cap. Puisque cette situation ne te convient pas, tu l'as retraduit depuis un certain nombre d'années, et ça va de pire en pire. C'est toi qui me le dis, hein, je ne discute pas, j'essaye pas de t'arracher les mots de la bouche, c'est toi qui parles. Ouais. Et plus je t'entends parler, et plus je me rends compte que tout ça ne te convient pas. Ben non. Donc si ça ne te convient pas, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je lui parlais, mais pas comment aborder, je sais pas du tout comment m'y prendre, et je suis complètement bloquée, quoi. Mais si tu lui disais la vérité, alors, si tu lui parlais comme moi, comme tu viens de me parler. J'espère. T'as envie de pleurer, là ? Ah non, carrément pas, mais ce serait la bonne solution. Bon, Laure, si tu lui disais, il s'appelle comment ? Il s'appelle Maxime. Tu veux qu'on l'appelle ? Non. Pourquoi ? Oh non, bah non, parce que je pense que ce serait encore pire que ça vienne de quelqu'un d'autre que de moi. Je trouve que ta réponse est bien. C'est ce que tu voulais me faire dire. Ouais. Donc, c'est pas exactement ce que je voulais te faire dire, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Ouais. Laure, si tu lui disais tout simplement, tu sais, ça fait un certain nombre de temps qu'on est ensemble, j'ai eu plusieurs relations amoureuses avant de te connaître. Chaque fois, je me suis posé la même question et ça m'a toujours rendu malheureux. Aujourd'hui, grâce à toi, tu m'as ouvert une porte. J'ai besoin de savoir telle et telle chose parce que finalement, je me sens pas très bien et ça me rend malheureuse. Donc, grâce à toi, parce que c'est toi, j'ai envie de franchir le cap. Et ce que je fais là aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. La coupure de la 42 direction Genève. Une nouvelle coupure devrait intervenir d'ailleurs dans les prochaines minutes. Et puis sur l'autoroute de contournement de Lyon par l'Est, si vous poursuivez votre route sur le secteur de la DDE, aux environs du kilomètre 27, dans le secteur de Vaux-en-Velin, vous rencontrez un chantier mobile qui se déplace. Par conséquent, soyez extrêmement prudent en abordant ce secteur où la visibilité est déjà réduite en raison de la configuration de l'autoroute. Jour de Pâques. Allô, oui. Madame Mézeux. Oui. Bonjour, je vous passe Madame qui est au téléphone. Elle vous écoute, Madame. Madame Suss. Madame Suss. Madame Mézeux est à ma droite. Je vous en prie. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vous souhaite joyeuse Pâques, mais qui est-ce, Madame Mézeux? Madame Mézeux, vous ne connaissez pas Madame Suss? Non. Madame Suss, Mézeux, vous connaissez pas? Non, pas du tout. Bon, ben, Madame Suss, je vous souhaite une bonne journée. Oui, pareillement. À très bientôt. Madame Mézeux, oui. Bonne journée aussi. Au revoir. À très bientôt. Vous aussi. C'était ce premier mariage que nous avons réalisé. La famille Suss, Mézeux, oui. Bon, qui devrait... Je suis la maman de Paul Suss. Parce que Paul Suss? Oui. C'est ce que vous me disiez, Paul Suss? Oui, je suis sa mère. D'accord. Bien, vous lui direz qu'il réussira dans le showbiz, comme ça. Ça, c'est l'effet Coé. 6h-10h sur Europe 2. Europe 2, un max de concerts avec Massive. Massy Gray en concert à l'Élysée-Montmartre le 27 mai. Location, point de vente habituel, elysee-montmartre.com et europe2.fr. Massy Gray en concert, un événement Europe 2. Yeah, yeah. T'as vu? J'ai le forfait intégral de Bouygues Télécom. Tout est compris dedans, hein? La facturation à la seconde dès la première seconde. Un prix en dépassement très avantageux. Assez régulièrement les mêmes artistes, mais vu que c'est que des excellents artistes, personne va s'en plaindre. Kenny Larting, avec Bart. Alors, on va remettre tout en situation. Hein. Florence nous a appelé il y a deux jours. Oui. Elle nous a dit, voilà, j'ai un mec, il m'envoie des fleurs, il m'envoie des courriers, etc. Je ne sais pas qui c'est, ça m'intrigue, ça me passionne, mais en même temps, ça m'intrigue. Voilà. Elle nous rappelle ce soir, à 22h05-10, elle nous dit... incroyable. Hier, il m'a envoyé une lettre en disant « Je ne suis pas content, tu racontes nos histoires à la radio. » Voilà. Donc ça veut dire qu'il suit un peu cette émission. Alors est-ce le fait du hasard ou je ne sais pas. Et là, elle rappelle, 1h30 après son coup de fil, pour nous dire quoi, Florence ? Eh bien, pour vous dire qu'il m'a donc appelé, il m'a téléphoné pour me dire « Suite à ton passage sur Europe 2, je ne t'aime plus, mon amour. » Et il a raccroché, bien sûr. Bah qu'il aille se faire cuire un œuf. Mais j'ai reconnu sa voix. C'est vrai ? Ouais. C'est qui ? C'est un copain. Je pense que c'est un bon copain d'enfance. Je pense que c'est lui, quoi. Je suis pratiquement sûre d'avoir reconnu sa voix. Donc, il s'appelle Stéphane. Il habite dans le 14e à Paris. Donc Stéphane, tu t'es fait griller comme un bleu, mon petit Stéphane. Un bleu. Merci Europe 2. Eh bien, Florence, grâce à nous, et on est assez fiers, je pense que tu peux dire maintenant ouvertement que grâce à l'antenne d'Europe 2, tu as découvert qui était cette personne en question. Voilà, donc je vais essayer de l'appeler demain, peut-être pas maintenant, parce que je vais aller me coucher aussi, mais je vais essayer de l'appeler demain, peut-être qu'il... Et on dit merci qui ? Merci Bart. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Je vous souhaite une belle soirée, Florence. Et bien vous aussi. A bientôt, ciao, ciao. 0890-71-432, c'est le numéro de téléphone. Voici le deuxième destin, enfin, chose promise, chose due. Oui. Et on écoutera deux répondeurs dans le jeu. Rassurez-vous, écoutez bien ce qui suit. Ça va, vraiment, c'est bon. On écoute. T'as pas écouté le courrier la dernière fois. Ça va, ça va bien, Nicolas. Oui, ça va. T'es en forme, Nicolas. Oui. Nicolas, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Hier. Nicolas, toute l'équipe et moi-même t'adressons tous nos voeux pour ton 33e anniversaire. Non. 37e. Non. 38e. Non. Ah, t'as quel âge ? 39. Applaudissements. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau, Nicolas ? Et pour l'instant, j'ai eu la moitié de mes cadeaux. Ah, pourquoi que la moitié ? Non, parce qu'il y a eu un peu des problèmes de famille, de santé. Ah. Le Combox Énergie, 20h, 1h. Où Énergie Léman. But so in awe, such a saint, but such a whore, so self-aware, so full of, so indecisive, so adamant, I'm contemplating, thinking about thinking. Setzen können. Das Präsidium des Konvents änderte einige Vorschläge ab. So wurde die Idee fallen gelassen, den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs künftig von einem Büro aus 7 Mitgliedern leiten zu lassen. Auch der Vorschlag, die One opportunity sees everything you ever wanted. One moment to capture it, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Radio, wo bewegt. parisien, puis sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, les éclaircies généreuses de la matinée. Sur le reste de la France, le temps restera très calme, très ensoleillé. En Lorraine, Alsace, il fera beau aujourd'hui. De l'Aquitaine à l'Auvergne, les nuages d'altitude atténueront un peu l'éclat du soleil. Près de la Méditerranée, le soleil s'imposera. En montagne, les nuages comme hier, passé la mi-journée, prendront un aspect bourgeonnant. De rares averses se déclencheront sur les Pyrénées et les Alpes. Quant aux températures comprises ce matin, entre 5 et 10 degrés en moyenne dans l'intérieur du pays, de 1 degré seulement dans les Ardennes. Elles atteindront cet après-midi, après les ondées, 15 degrés à Brest, 20 degrés à Rennes. Il fera 22 à 23 degrés de l'Île-de-France à l'Alsace, jusqu'à 25 degrés sur le Lyonnais et le Sud-Ouest. France Info Sport. Le Real Madrid et le Milan AC ont rejoint ce soir la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. And his mind is a sanctum, holy or unholy. Only have one homie, only this gun, homie, cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker, they can be great, or they can be great, or even worse, they can detain. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us. Je ne parle pas parce que genre, si je me prends un râteau, moi tous les jours pour aller travailler, ça va être vachement dur. Donc t'es bien en train de me dire que si jamais ça ne fonctionne pas, après ça risque de te pénaliser dans ton travail. Eh oui, c'est ça, j'ai vraiment peur de ça quoi. Est-ce que ça vaut le coup de tenter ta chance ou pas? Je sais même pas, mais là je suis en train de craquer quoi. J'ai peur de dire n'importe quoi en fait. De lui dire n'importe quoi? Ah oui, tous les jours, chaque jour, c'est de plus en plus, c'est vraiment de plus en plus accentué, c'est de plus en plus grave. Apparemment, il est attiré ou pas? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais je sais pas si c'est un jeu parce qu'on s'entend vachement bien, que je sais pas. Je sais pas si c'est un jeu de séduction en fait. Rien ne te coûte, Sandra, encore une fois, d'aller lui proposer d'aller voir un café, quoi. Je vois mal, de toute façon, comment tu vas pouvoir tirer des enseignements si tu ne papotes pas un peu avec lui. Hein. C'est incontournable. Mais n'oublie pas qu'il y a un risque, parce que, effectivement, comme tu le disais justement, hein, d'ailleurs, si jamais ça ne fonctionne pas entre vous, tu les... Parce que je suis pas sûr que ça va être... C'est pas du long terme. Il va dire, bah bon, il fait un débat. Et il va bien le oublier. Mais ça, c'est un homme, en fait. C'est un jeu de séduction avec une fille comme ça, alors que c'est une copine. Pour le fun, en fait. Ouais, si j'ai un peu d'énergie. C'est faux pour d'autres. Tous les mecs dans le même sac et toutes les filles dans le même sac. Tout ça pour te dire, Sandra, que moi je me dirais la chose suivante à ta place, c'est que je dirais ça fait un moment que j'essaye de te dire un certain nombre de choses, je n'y arrive pas, je me jette à l'eau, voilà, ça fait trois mois que je rêve de t'appeler tous les jours. Est-ce que j'ai raison ou tort? Voilà, c'est tout. Ça vous fait rire les filles. Il va falloir un sacré courage. Sandra, les choses les plus simples sont souvent les plus redoutables et les plus efficaces, hein, Sandra. Ça sert à rien de passer par des mille et un chemins, autant lui dire la vérité. T'as raison. Oui, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Ouais. Autant lui dire la vérité, tu dis ça fait 4 mois que je me tâte. Voilà, maintenant je te le dis, je pense à toi tout le temps. Je ne sais pas si j'ai raison, est-ce que j'ai intérêt de continuer à avoir ce sentiment-là ou est-ce que tu me conseilles vivement de penser à autre chose? Voilà. Alors, il y a Thierry Roland qui revient. Thierry Roland a des conseils à donner, ça. Et Dieu sait si c'est légitime, très souvent. Bonjour, hein. Thierry. Alors, c'est un petit temps, hein. C'est-à-dire que je vais pas aller jusqu'à vous dire que je suis passionné par votre intervention, mais c'est-à-dire que je suis tellement dans un pays de cons que j'ai juste un truc à faire, c'est écouter c'est quoi ton truc.

avec un petit pantalon, un petit peu lavé par le bain. Et d'informations trafic, c'est dans une demi-heure. Avant, bien sûr, c'est la musique qui vous accompagne sur votre route, ainsi que deux minutes consacrées aux innovations dans l'éclairage automobile. L'éclairage des véhicules est sans cesse amélioré et les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Les phares ne sont plus aujourd'hui de simples lampes. Leur objectif est d'assister l'automobiliste et de l'aider dans les situations délicates. Reportage juste après la musique. Messages partant live dans le Combox d'énergie. 0900 Ouais, c'était pour faire un grand coucou à mes amis, à tous ceux qui me reconnaissent. Et ce serait cool de passer Sweet Life de Benyman et Asia. Ciao. Bonjour, je vends un Atel Nokia 9210 avec 5 coques, un chargeur, 100 francs. Ouais, c'était pour faire un grand bisou à toute l'équipe des 19. Léa, t'es vraiment cool et à l'antenne. Je t'adore, je t'embrasse. Ciao. C'est le Combox Energy. I have to change my name. Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Yeah.